Quand il tonne sur le bois nu, il neige sur le bois feuillu. Attendez seulement, avec ce printemps qu'on a eu tout l'hiver, gare à ces mois pourris dans la belle saison. En étant sûr, pourquoi ne pas prendre les choses comme elles viennent plutôt que de se casser la tête d'avance? Surtout que vous direz ce que vous voudrez, mais il y a un moment où si la neige n'est pas venue, elle ne viendra plus. C'est comme le sien, passé un certain âge, on est bien obligé de vivre sur la qui. Eh bien, c'est ce qui vous trompe. La neige, il y a des fois qu'elle vient, toute saison. Comme le tonnerre. Et la grêle, pardon. Tout juste. Et moi, je me souviens d'une année où elle est venue le 25 mai. Pas possible. Comme ça vous le dit. Heureux de vieux, ça, parce que moi, je n'en ai pas le souvenir. Vieux, on était encore tout gamin. Ça se passait vers, voyons voir, vers... Vers 1910 ou même 909 par là. Il me semble en avoir entendu causer, en effet, ouais. Oh, ça avait été un hiver comme cette année, de ces hivers qui font la grasse matinée pour ne pas aller au froid. Ça fait que tout était en avance, la vigne, les champs, les jardins, ça partait qu'on se croyait au pays de Canaan. Sauf que quand même, on parlait à notre patois. Ça dépend encore chez qui. Enfin bref, un soir, il se lève une bise aigrelette qui amène des gros nuages noirs avec des reflets rougeâtres. Et puis voilà la bise qui tombe et la nuit noire qui vient au moins une heure avant le calendrier. Le lendemain matin, allez voir cette histoire. Tout était blanc, 10 bons centimètres de neige qu'il y avait. On aurait pu aller mener le lait avec le traîneau. Naturellement que les branches des arbres cassaient les unes après les autres. Les hirondelles tenaient une assemblée générale sur les fils de la Romande, puis se chamaillaient qu'on aurait dit la commission des pleins pouvoirs. Mais ce qui faisait le plus chagrin, oh, c'était le blé qui était couché à même la terre, la rasibus. Perdu? Enfin, ça dépend, n'est-ce pas? C'était moment où ça est encore utile d'avoir un brin de jugeote et des articulations qui ne pleurent pas trop la fatigue. Ce qu'on suit y faire, on sauvait leur moisson. Même que pour les gamins, c'était rigolo comme tout. On voyait tout le monde qui partait à travers champs avec des râteaux, des fourches, Dieu sait, puis hardé, on te secouait les branches des arbres pour faire tomber la neige. Pire que quand les mamans se mettent en branle pour les grandes revues du printemps, puis qu'on ne peut pas passer à travers le village sans recevoir une ou deux minons qui tombent des fenêtres. Prenez le blé, ça se secoue pas ou quoi? Non, mais il y en a qui ont su faire quand même. Mon père, par exemple, qui n'a jamais eu peur de se baisser, ben, il est parti avec le domestique. Ils avaient une puissante corde. Arrivé au champ de blé, il se mettait le domestique à un bout et lui à l'autre. La corde tout en travers du champ. Et puis il te promenait cette ficelle d'un bout à l'autre, sans devant derrière, de la direction où le blé avait versé. Pardine, ça faisait tomber la neige. Et ça redressait les tiges. De manière que quelques jours après, les blés repartaient comme si rien n'était. Tandis que ceux qui n'ont pas ça fait n'ont rien revu. Les tiges avaient rompu à une main du sol et adieu Luc. Pour dire que des saisons qui se font à faux, ça peut faire rude de mal tout de même. Quand il tonne en février, petits et grands doivent pleurer. Bien dit. ça y est, ça ne pouvait pas rater. Pourquoi? J'étais sûr que ça finirait par un proverbe, comme ça avait commencé du reste. Et alors? Le docteur vous défend les proverbes ou quoi? Non, mais je trouve amusant qu'il ne puisse pas se trouver une circonstance où vous n'ayez pas un proverbe qui tombe tout chaud, tout prêt, tout adapté. Que voulez-vous, Réjean, les proverbes? C'est la malice des simples. Les simples, allez, ne faites donc pas tant les modestes. Mais c'est manière de dire, bien sûr que nous, on a aussi notre part d'astuces, de rouerie et tout. Mais quand même, avec notre mince bagage, on serait, ma foi, vite en infériorité devant certaines espèces. À côté d'eux, on est comme qui dirait au biberon, les avocats, les femmes, les ministres, les régents, les inspecteurs fédéraux, les syndics. Et quelques autres encore, bien entendu. Alors figurez-vous, régents, qu'en face de ces individus qui ont toutes les rubriques, réponse à tout, et toujours la dernière giclette de salive pour les encas, si on en était réduit à nos propres moyens, on passerait notre vie à se faire reboucher. Heureusement qu'on a les proverbes, ce qui permet de nous défendre. Oui, surtout que suivant les cas, pendant qu'on dit le proverbe, on le fait même sans avoir besoin d'y réfléchir. Ça permet de penser à ce qu'on va dire après. Ça n'est des fois pas de trop, hein? Je comprends. Et je vois maintenant pourquoi les proverbes sont si souvent contradictoires. Eh, pardine, s'ils ne se contredisaient pas, on n'en aurait jamais que pour la moitié des cas. Ça serait embêtant. Tandis que comme ça, ça va bien. Quand on nous dit d'un garçon fait plaisir à ses parents et tourne aussi bien que le papa, on dit La bûche ne jaillit pas loin du tronc. Voilà, mais si c'est le contraire et que le gamin d'un tempérant et le grain de sel, on n'a qu'à dire « un père avare, fils prodigue ». Ce n'est peut-être pas très honnête. Là, non. Mais si on mêlait toujours d'être honnête dans les discussions, on voit pas bien où ça nous mènerait. En tout cas, toi, ça dit que ça t'aurait bien gêné dans ta carrière. Ah oui? Plus qu'un autre, quoi? Par Dieu, parce que toi, tu es comme qui dirait, redoublé. Tu as les petits mensonges pour ton cas particulier, comme tout un chacun, et en plus ceux de l'homme public. Et ça, diable, ça ne doit guère manquer. Oh, vous savez, on en dit sur nous plus qu'il n'y en a. Ouais, ouais, ouais, bien sûr, on en remet. On vous flatte, autant dire. Là, oui, hein. Oh, c'est attendu qu'y aller, vote, on est bien obligé d'arranger ses programmes de manière que c'est une bonne façon. Mais dans l'ensemble, ben, je ne dis pas plus de mensonges à la maison de commune que chez moi. Oh, ça vient peut-être de ce qu'on est un village calme. Alors, à la maison de commune, il n'y a pas tant de contradictions. Tandis que chez toi... À la maison, c'est éteint, c'est calme comme tout. Pour tout dire, eh bien, je n'existe pas pour la maman. Elle fait la lessive. Ou bien si elle se mettrait aux revues. Elle brode un tapis. Ah, et ça la distrait tant que ça. Le tapis, ma foi, pas tant, mais le reste... Le reste? Le tapis, n'est-ce pas? C'est pour la dame de l'église. Quelle histoire, si possible, quelle histoire. C'est que l'année passée... Elle avait déjà fait un de ses tapis pour la vente. Un machin d'à peine un mètre sur un, mais alors rempli de trous, de festons, de petites croix. Un ouvrage de dame, quoi. Ça fait que le soir où ils ont préparé la vente, elle ne vivait plus. Elle t'avait repassé cette affaire en tirant la langue et en se brûlant au moins 5 fois les doigts pour vérifier le fer. Elle t'avait s'enveloppé dans un linge comme font les filles pour les examens d'ouvrage. Et puis là voilà qui s'amène à la maison de commune, bandant le torse et faisant l'arc en arrière. Ce tapis, n'est-ce pas? Ça devait être la grosse pièce de toute la vente, pardine. Seulement, voyait-il pas que la femme aux Jonas s'amène, elle aussi avec un air d'être de proche avec le président de la Confédération. Elle avait mis un paquet dans un linge. Avec un tapis? Pardieu! Il a bien fallu s'en rendre compte quand elles ont eu ça déballé. Le pire, c'est que celui à la femme aux Jonas avait bien 30 centimètres de plus en long et en large. Oh, alors ça ne m'étonne pas. Ces Jonas, c'est des fiers. Faut toujours qu'il fasse des coups à l'écrase. Oh là, oui. Ça n'empêche pas, n'est-ce pas? Ma femme a bien essayé de montrer qu'elle t'avait sabrodé au plus fin, avec des points plus saveurs, enfin, qu'est-ce que je sais, moi. Bien sûr que devant les autres, n'est-ce pas, elle n'a pas fait semblant. Mais alors, il aurait fallu l'avoir rentrée à la maison. Oui, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Elle avait raté son effet, quoi. Où ça a été pire, c'est le jour de la vente. Ces deux femmes se guettaient d'un bout à l'autre de la salle. Oh, la femme au jaune, c'était au banc des saucisses, tandis que la mienne servait le thé. Et au milieu de la salle, il y avait les deux tapis pendus à un bain. Et personne ne les achetait, c'est le pire. Vous comprenez? Elle t'avait fait taxer ça de ses hauteurs. Chacun voulait arriver son clou à l'autre, que c'était devenu inabordable. Et d'autant que les autres femmes devaient bien rire en dessous. Le fait est que vers les 10 heures, je voyais ma femme en train de prendre le haut mal. Vous voyez cet affront, si on avait dû mettre son tapis comme l'eau à la tombola. Et alors, ça s'est fini comment? Le soir, elle est arrivée radieuse. Sais-tu combien il a fait, mon tapis? Non, tu ne devinerais jamais. 20 francs. 20 francs tout rond. C'est la femme au Jonas qui va en être malade. Le sien qui est venu à la tombola. Comme ça, ça s'est bien fini. Là, oui. Oh, bien sûr que j'ai mis les formes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut vous dire que quelques jours plus tard, en rebouillant dans l'armoire à glace, là, pour chercher une chemise propre, j'ai bel et bien trouvé le tapis bien ployé dans un coin. C'était elle qui se l'était racheté. Et comment ça? Oh, ça n'était pas dans difficile, n'est-ce pas? C'était la femme au caviste qui tenait ce bain. Ça a dû s'arranger au tout même. Oh, alors là, ça a dit que tu m'embouches un coin. Pourquoi? Comment ça est-il possible que ma femme ne m'en ait jamais parlé? Et que le village ne l'ait jamais su? Oh, le village, ça ne m'étonne pas. Ma femme et celle au Jonas, elles se feront des grâces quand les poules pondront par deux à la fois. Mais à moi, alors, quand même. Et ça prouve que votre femme peut être discrète, voilà tout. Dites pas de bêtises. À ce point-là, non. Elle aura oublié. La Mélanie? Oubliez qu'elle a rendu un service? Ça m'étonnerait aussi. En bref, il faudra que j'essaye d'en avoir le cœur net. Mais ça me fait penser à la bonne qui est arrivée dans une ville pas loin d'ici, au président du conseil de paroisse. Justement, une vente pour l'église, comme celle du village. Il y avait naturellement des bancs comme ils peuvent s'en tenir dans un chef-lieu de district. Et le président, d'ailleurs assez pendant, mais pas tant agile de la main qu'il donne, couratait dans cette salle en encourageant ces dames. Allons, allons, il faut que cette année, on batte les records. La paroisse a besoin d'argent. Mais il n'y avait qu'à acheter. Ouais, pas de risque. L'avantage d'être président, c'est qu'on a assez de travail à commander, ce qui fait qu'on n'est pas tenu de sortir trop d'argent. Ça fait que le soir, quand les portes se ferment, succès complet. Plus une brique de marchandises dans les bains, rasibus, tout raflé, on n'avait jamais ça vu. Mon président félicitait ses dames, serrait les mains, se fendait jusqu'aux oreilles et mijotait déjà les phrases de son rapport. Au revoir, monsieur le président, au revoir, mesdames, mais. Et on voit ce gaillard qui commence à rebouiller dans les coins, il cherche, il se baisse. Pardon, mesdames, vous n'auriez pas vu mon chapeau? Votre chapeau, monsieur le président? Non, mesdames, cherchons le chapeau de monsieur le président. Il était comment, que fait une d'un air inquiet? C'est un chapeau gris avec un ruban bleu foncé et un nœud derrière. Et monté, que fait la dame. Monsieur le président, que je suis confuse. Vous l'aviez laissé sur la banque. Diable me brûle si je ne l'ai pas vendu. Ma pauvre dame, qu'avez-vous fait, que reprend le président en essayant de s'en remettre d'aplomb. Un chapeau que j'ai acheté la semaine dernière, même que je l'ai payé 30 francs. 30 francs, quelle horreur! Moi qui l'ai laissé pour 1 franc 50 à un domestique. Il marchandait. Mon Dieu, qui aurait pu penser? Ça fait que le monsieur a bien dû en prendre son parti ou quoi? Ma foi, oh, ça ne lui plaisait qu'à demi. Même qu'il a fallu que le pasteur lui dise pour le consoler qu'en quelque sorte la providence était intervenue pour le rendre encore plus charitable qu'il ne l'aurait été de son plein gré. Eh bien, moi, je dis toujours ces ventes. C'est bien la preuve que si on veut faire marcher les gens, il faut les prendre par la vanité. Regardez ma femme. Si on faisait une collecte, je m'étonne si elle dépasserait les 2 francs. Mais alors, pour faire du théâtre avec son tapis, elle n'a pas hésité à mettre 20 francs pour acheter une pâte qu'elle avait faite elle-même et qu'elle ne pourra jamais s'en servir. Elle n'oserait pas la sortir du buffet. Elle ira pour un cadeau de noces. C'est comme l'autre avec son chapeau. Elle te l'a lâché pour 1,50 francs pour ne pas qu'il soit dit qu'il lui reste quelque chose à son comptoir. Oui, eh bien moi je me dis que si une vente rapporte 1 000 francs, il y a là pour 200 francs de marchandises et pour 800 de vanité. Oh, après tout, l'essentiel, c'est que l'argent rentre. Pour faire plaisir aux régents, je dirais même, tout ce qui rentre fait ventre. Ou comme les vieux, c'est l'épée qui nourrit. Dis donc, syndic, vous donnez un peu soif si tu en donnes. Quoi? Oh, ben n'importe, histoire de faire un peu de bruit. Tu n'en sais pas une de ces vignes. C'était revue du Cursal, c'est bonne à la vaudoise, comme les faisait Évard. Ah, celle du gendarme qui faisait le recensement des chamois. Oh, par exemple, oui. Oh, quelque chose d'un peu gay. Ah, ben, je vais voir, c'est ma souris. Au revoir. De l'aube au soir, léger comme un fantôme, je vais glissant à l'instant du furet, des rochers de nez aux aiguilles de baume, et du montindre au haut des diablerets. Je suis chargé, vu ma vision très prompte, du recensement des chamois seulement moi. Je me fous dans chaque fois dans mon compte avec ces chameaux de chamois. Je note aussi sur un calepin idoine le signalement de chaque échantillon. Des tours d'Aï jusqu'à la cape aux moines et de la dent de mort à la dent de vos lions. Cheveux châtains, profil grec, regard traître, menton moyen, front fuyant mais sournois. Mais malgré ça, je peux jamais les reconnaître, ces sacrés chameaux de chamois. Je prends enfin l'adresse très précise et la photo de tous ces vagabonds. La dinde bralère aux cornettes de bise et de la tour de gousse à la bec à dodon. Puis-je leur y colle un prénom qui redonde, Antoine, Auguste, Eugène ou bien François. Mais à l'appel, jamais ils ne répondent, ces sacrés chameaux de chamois. Mais à l'appel, jamais ils ne répondent, ces sacrés chameaux de chamois. Ah, ça, c'est... Ça nous rajeunit pas, ça, hein? Alors, syndic, dis donc... Ça s'est-il bien passé, cette séance à Lausanne, jeudi? Oh, m'en parle pas, mon pauvre ami. Ça n'était plus une ville, c'était une vision d'horreur. Pas possible. Et comme je vous le dis, tenez, déjà au sortir de la gare, ça sentait joliment le sepion. On voyait des gendarmes par-ci par-là en tenue numéro un. Ce qui m'a frappé tout de suite, ça a été de voir un peu plus loin des agents de police de Lausanne qui patrouillaient aussi. Mais on aurait juré qu'ils se faisaient un sale œil avec les gendarmes. Ah ouais? Et puis tout à coup, crac! J'entends de ces bandonnées, non de sort qu'elle m'a fait. Ça fait qu'une fois assis... Assis où? Ben, pardon, je me suis cru que c'était une alerte. Ça fait que je me suis enfâté dans la première porte venue. Ça s'est trouvé que c'était le buffet de la gare. Va bien. Qu'est-ce qui se passe que je fais au garçon? Ma foi qu'il me répond, il y a du diable. Mais quant à vous dire quoi, ça s'est déclenché subitement au petit matin. Bon, il y a moyen d'en tirer. J'ai tout de suite compris qu'il faisait des cachotteries. Oh, forcément, à t'entendre parler, il t'aura pris pour un étranger. Probable. Ça fait que je ressors, j'enfile le petit chêne. Oh, mais alors, cette fois, il y en avait de toutes les sortes, tu sais. Mitrailleuses, canons, clairons, je la voyais pas fixe. Ce qui fait qu'une fois assis... Ah, parce que tu es redescendu au buffet. Mais non, mais j'ai jamais cru qu'il s'agissait d'une alerte, puis je me suis renfâté. Ça s'est trouvé que c'était le café de la mère Mutrune. Tu avais de la chance dans ton malheur, en somme. Oh, tu sais, ma foi, j'ai été roi du tir un paire de fois, ce qui fait que je sais encore viser. Et de nouveau, rien à tirer de cet embougné de garçon. Il s'était donné le mot pour qu'on ne sache rien du tout. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis, pas de ça. J'ai ma séance, mais va falloir y aller. Alors je me suis lancé tête baissée à travers ces nuages de poudre. De poudre? Épouvantable. Ça en était gris que tu aurais juré du brouillard. Et gros, pétacros, ces balles qui vous sifflent aux oreilles, que les hommes s'encrouillent tout de même. Et alors? Ben, c'est comme j'étais en train de prendre trois déciers au grand chêne, enfin, histoire de me remettre d'aplomb avant de traverser la place, que j'ai eu le fin mot de l'affaire. Ah, c'était des manœuvres. Chut! Écoutez, on essaye d'étouffer l'affaire, c'est bon, hein? Il y a déjà assez de tourments comme ça et de niaises et tout. Ce qui fait qu'on a raison. Mais en réalité, ça n'était pas des manœuvres. Ah, non? Ça était une attaque du château par l'hôtel de ville. Par qui? La ville de Lausanne qui attaquait le Grand Conseil. Montez. Une sorte de cendre-bande? Tout juste. Paraît qu'il y a longtemps que ça bourme entre la ville et le Conseil d'État. Deux histoires à bracadabrantes. Pour dire, ils se piétinent tant soit peu les ertais. Figurez-vous qu'une fois, la police de la ville a arrêté un individu qui avait fait un crime que ça concernait la police cantonale. Pas possible. Mais comme je vous le dis, ce qui fait que ça a donné toute une histoire. Coup de téléphone, circulaire, tout le tremblement. Alors, ils ont fini pour transiger. Mais ils n'ont pourtant pas relâché le type. Que oui, qu'ils l'ont relâché. Et ça n'était que juste. Jardine, si on se met à empiéter sur les compétences des autres, il n'y a plus d'ordre possible, c'est bien évident. Ils l'ont relâché, mais bien sûr qu'ils se sont arrangés pour que les autres le sachent. Ça fait qu'au moment où mon gaillard essayait de filer à l'anglaise, ceux de la cantonale t'y ont tracé après et te l'ont cueilli au prochain contour. Ah, bon, l'honneur était sur ce qui est l'essentiel. Enfin, bref, des tas de niaises comme ça. Mais depuis quelque temps, ça fait clôté ferme. Rapport à ce référendum des impôts. C'était pas le Conseil d'État qui l'a lancé, ce référendum. Bien sûr que non, mais ceux de la ville se pensaient. Chaque fois qu'on veut hausser les impôts, référendum il y a. Et chaque fois, le référendum cupesse la hausse. Et il y a deux diables là-dessous. Des meneilles, quoi. Alors, d'ici, accuser ceux du château, le pas était vite fait. Que bref, l'autre soir, ils étaient tous au cercle, en train de boire des verres en causant de l'avenir du pays. Quand un de l'hôtel de ville fait, « Dites voir, le conseil d'État est là, presque au complet. Et le concierge du château aussi. Diable, que fait l'autre? Ça serait l'occasion, le château ne doit plus rien être défendu. On va te ruper cette caisse cantonale, et puis on verra bien. Sitôt dit, sitôt fait. Ils offrent une tournée pour être sûr que les autres ne savent pas. Ils galopent vers l'hôtel de ville en catimini, t'empoignent cette pompe à moteur, une escouade de gardes de police avec un brigadier en tête, et hardi. À minuit à peine, ils occupaient le château militairement. Que des choses comme ça puissent se passer dans un pays comme le nôtre. C'est idiot possible. C'est comme ça. Heureusement qu'il y avait de la troupe cantonnée dans les environs. On les alerte et départ. C'est comme ça que je suis arrivé à Lausanne juste au moment où l'armée essayait de reprendre la cité. Fallait entendre cette pétaradée. Mais la population, était-elle pour l'État ou pour la ville? C'est difficile à dire. Vous savez, c'est sournois, ces civils. Ils se veillaient de ne pas se compromettre, bien sûr. Mais on voyait bien qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour enrayer la manicle. Tenez, par exemple, quand j'ai passé à la palue, il y avait une ferraille de tous les diables. Mais ces mitrailleurs étaient continuellement gênés par les civils qui continuaient à traverser la place comme si de rien n'était. Du sabotage. Mais oui, ma foi, que même j'en ai vu qui ricanaient. Oh, ils avaient le mauvais esprit, c'est sûr et certain. Oui, mais tout ça, comment ça s'est fini? Oh, l'ordre a repris le dessus, pardon. Mais ça n'a pas été sans peine. Même que la ville a posé ses conditions. Ah ouais? Ouais. Ils ont exigé qu'une fanfare choisie parmi les plus acharnés, les fribourgeois, vienne faire une aubade à l'hôtel de ville. Et puis ils ont exigé d'avoir un représentant au banquet. Ah ah, parce que ça s'est terminé par un banquet. Mais forcément, voyons. Ouais. Comment est-ce que vous auriez voulu que ça finisse? C'est une vraie chance que ces révolutionnaires ne soient pas tombés sur un jour sans viande. Ils en auraient été quittes pour faire comme nos ancêtres à Capelle. Ils se seraient contentés d'une soupe au lait. Probable. Quoique moi, cette histoire de soupe au lait, je n'y ai jamais cru qu'à moitié. Ah, c'est parfaitement authentique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, quand même, n'est-ce pas? Il y aurait eu deux ou trois bouts qui surnageaient dans la soupe au lait aux officiers. Que ça ne m'étonnerait pas, Oui, mais alors, ça fait que pour finir, vous n'avez pas pu tenir cette séance. Voilà, la salle du Grand Conseil était remplie de parachutes que des services complémentaires féminins étaient en train de raccommoder. Et puis, il nous fallait bien aller voir ce défilé, n'est-ce pas? Ce qui fait que de fil en aiguille, de 3 décis en 3 décis, c'est tout juste si j'ai pu reprendre le dernier train. J'espère que tu ne vas pas nous mijoter une de ces histoires au village ou quoi? Non, que non. Si ceux de Lausanne ne sont pas de force, ça prouve que nous, on est trop peu nombreux. Et puis, vous n'avez pas à vous plaindre de l'autorité cantonale ou quoi? Non, dans l'ensemble, non, non. Ils nous envoient bien de temps en temps des inspecteurs qui ne sont pas tant commodes, mais on a meilleur temps de nous en tenir à notre vieille méthode. On les a plus facilement au guillon qu'à la mitrailleuse, hein? Cordine, surtout qu'un cas qu'il y en ait un qui ferait trop son fendant, il y aurait toujours la possibilité qu'il fasse un faux pas et cupesse dans la fontaine aux glaçons. Dites donc, Avid, puisque vous en parlez, d'où diable vient ce nom de fontaine aux glaçons? Elle n'est pas plus froide que des autres, que je sache. Au contraire, pas vrai, ça dit. En effet, c'est même de ça que ça lui vient. Alors, expliquez-vous. Oh, c'est du tout vieux. Vous connaissez le vieux Turte qui demeure tout près. Eh, la fontaine est à lui, je crois. Parfaitement. Vous savez que le vieux Turte serait plutôt regardant et puis près de ses sous. Eh, je crois en effet qu'il a tendance à recompter sa monnaie avant de la donner. Oh, un point qu'on ne peut pas croire. Ça n'est plus un défaut chez lui. C'est une maladie. C'est du reste pour ça qu'il est resté garçon. Parce que pendant longtemps, il a vécu avec sa maman. Naturellement, demeuré veuve assez jeune avec ce seul garçon sur les bras. Et te l'a gâtionné, pourri, encouragé dans ses défauts, dont la grappe nice n'est pas le moindre. Ce qu'il avait de qui tenir. Eh, diable, je me rappelle sa maman, quand elle nous vantait son garçon, qui était alors tout jeune. Il est un sagneux, qu'elle disait, coquet, et propre, et regardant et tout. Quand on voit ces gamins qui brisent tout ce qui touche, je bénis le ciel de m'en avoir donné un de ça comme ça, Seigneur. Tenez son linge pour le laver donc. Je le lui change une fois par mois. Eh bien, quand je le reprends, il est aussi propre qu'au premier jour. Que des fois, ça me ferait presque chagrin de le donner à la lessive. Bref, qu'un hiver, voilà qui se met à geler à pierre ferme, du 10-15 jours de suite, comme l'automne avait été sec, l'eau commençait à manquer un peu partout, puis les fontaines du village qui ne pleuraient plus qu'un mince filet d'eau, gèlent les unes après les autres. Sauf celle au Turc. Ah oui, parce que lui, il a la chance d'avoir une source qui vient de profond, que le débit continue à être assez régulier, même par le sec. Ce qui fait que tout naturellement, les gens du village, à sec par devant chez eux, allaient faire boire le bétail dans la fontaine au Turc. Comme le juste. Seulement lui, ça ne lui a rien fait en son affaire de voir toute cette eau qui était à lui et que les autres venaient lui boire sous le nez sans qu'il puisse leur faire payer la moindre des briques. Ça leur bouillait. Alors il a réfléchi, puis un beau soir, quand on est arrivé avec les bêtes, rien de fait. La fontaine ne coulait plus. Je l'ai. Non. Mais le Turc y avait mis un gros bouchon, il avait sa cadenasse, il avait des pattes, rien de fait pour ouvrir. D'autant plus que lui se tenait sur sa porte, et puis vous regardez ça, que c'était le plus beau moment de sa vie. Ben bien, le village ronnait un peu. Non, c'est arrangé autrement, et puis fini. Comme on connaissait le gaillard, on aurait mieux aimé se priver d'eau plutôt que d'aller lui roucaner un service. Seulement, on a bien ri. C'est le lendemain. À l'heure de gouverner, voilà mon Turc qui arrive vers sa fontaine, qui regarde si on le voyait, et puis qui se met à enlever le bouchon de son goulot. Il ôte les pattes, tire le bouchon, en se veillant bien de ne pas être aspergé. Mais Bernic, le bouchon enlevé, rien ne venait plus. Forcément, l'eau s'était gelée dès le moment où elle ne coulait plus. Par Dieu, seulement sur le moment, le Turc n'y avait pas pensé. Ni nous non plus du reste, ça il faut reconnaître. Oh, il faisait peine à voir ce pauvre Turc devant son jet bouché. Mais alors c'est de là qu'on a appelé sa fontaine, la fontaine aux glaçons. Fameuse leçon. Qui ne lui a pas profité une brique, il faut bien le dire. À te voir, s'il fallait que les leçons vous profitent, avec ces gens qui vous tournent toujours autour pour vous faire le catéchisme, sans qu'on leur demande rien, on finirait par devenir trop bon. Ce serait dommage. Ah oui. Voyez-vous le syndic tourner à la Sainte-Nitouche, on y perdrait. Eh diable, surtout ma femme. Si je me mettais à rentrer à l'heure, ça lui couperait la conversation. Est-ce qu'on serait déjà en retard? Mais bien sûr. Santé, messieurs. Santé. Oh, ne vous étranglez pas quand même. Dès le moment où il y a des discours de réception, une phrase de plus, une phrase de moins. Hein? Alors, au revoir deux. Hein? Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Ça avait commencé sur les 5 heures du tantôt, rapport à la jeune or qui avait une dent gâtée. Ça lui faisait une de ses chics, mes amis, qu'à le voir, on aurait juré qu'il avait voulu regarder cette comète de trop près et qu'elle lui aurait donné une tape. Même que c'est de ça que tout est venu, rapport que le Goethe y a fait des allusions, et que vers les 3-4 heures, chez Saint-Gaillard, avec cette comète en tête. Bref, mon agénor était là, à faire le liant dans la cuisine, que sa femme était au nom toute sa vie, n'est-ce pas? Elle avait tout essayé, le baume tranquille, des cataplasmes, enfin rien n'y faisait. Toutes ces missions ne profitaient qu'à l'enflure, et puis la jeune heure ressemblait à une de ces petites villas qui sont bien régulières, mais qu'on y a attendu une remise après. Sans compter ses gémissements qu'il faisait, que le monde venait en bas. Sa femme, ça l'agaçait forcément, n'est-ce pas? Afin qu'elle s'est dit, c'est le moment d'y aller des grands moyens. Elle a sorti une bouteille de lit et puis lui a donné pour se gargariser la gencive. C'est souverain. Oui, et seulement la jeune or qui n'a pas tant l'habitude de se gargariser, il oubliait de recracher. Ce qui fait que quand il a voulu aller chercher une seconde bouteille, sa famille a fait, « Ah, jeune or, si tu continues avec ce remède, tu vas venir enflé de tout le corps et on ne saura même plus où ta chic commence et où elle finit. Tu ferais mieux d'aller un moment à l'air, ça te distrairait et puis ça t'enlèverait le brillant. » Bon, le voilà qui sort. Et qu'est-ce qu'il raconte? Le Goethe qui traînaillait par le village en quête de Dieu sait quoi. « Qu'est-ce que tu vas pour avoir le portrait pareillement malheureux? Quand je t'ai vu, j'ai d'abord cru que c'était moi qui louchais. » Oh, fait la jeune or, des rages de dents, et je souffre, oh, je souffre. Ça va faire attention au froid, et comment te ça soignes-tu? Je vais tout essayer, les cataplasmes, le baume tranquille, la lie. Oh, et le marque? Tu crois qu'avec le marque, ça ferait effet? Te garantis, le marque, c'est souverain. Viens avec moi. Et que les voilà qui entrent à la cave au Goethe. Et mon agénor qui se gargarise au marc. Et le Goethe aussi, pardine. Alors, il ne voulait pas y faire affront, tu penses? Passe le boîte qui a tout fait de renifler qu'il y avait du monde dans cette cave. Comme il est toujours prêt à rendre service dans ces occasions-là, le voilà qui descend les escaliers et te trouve ces deux malades en plein traitement. On s'explique. L'agénor raconte ses douleurs. Et ça ne va pas mieux. Oh là non, ça me lance, à croire que ma femme s'est mise dedans et s'est emmodée à faire à fond. Oh, et avec quoi est-ce que tu te soignes ça? Avec du marque? Ouais, le marque, c'est pas conseillé, c'est âpre. Ça irrite la peau, tu comprends? As-tu une minute? Viens chez moi, je te donnerai de la gentiane. Ça alors, c'est souverain. Et les voilà partis. Bien sûr. Dans l'état où il était, on y aurait conseillé de boire de l'eau minérale ou d'apprendre le chinois qu'il aurait été dans le cas d'essayer. On les voilà dans la cave aux boîtes. 4 qu'ils étaient, parce que le gros Tatio les avait rencontrés en route puis avait emboîté le pas, histoire de ne pas abandonner une connaissance dans le malheur. Et la gentiane l'a guéri? Ben, on ne sait pas au juste si c'est la jeune or qui était guérie ou si c'était les 4 qui avaient mal aux dents, mais le fait est que quand le mafelon est arrivé à la cave, à cause qu'il avait entendu du bruit, il les a trouvés en train de se soigner au pruneau. Ouais, paraît que le pruneau, ça fouette mieux que la gentiane. Sans compter qu'ils en étaient à 1000 longueurs d'un saucisson qu'ils avaient trouvé dans un coin, rapporte que quand il y a risque d'infection, il faut surtout se nourrir le sang, n'est-ce pas? Ouais. Paraît que c'est le vétérinaire qui avait ça dit une fois au Goethe. Oui, alors je comprends tout. Forcément que vers les 10-11 heures, mes gaillards étaient rembourrés comme des paillasses. Ouais, et c'est là que ça s'est gâté. Rapport, comme je te disais, que le Goethe a dit à la jeune or, « Ça t'apprendra, quoi, tiens, d'aller taquiner ses comptes en cachette de la maman, qui s'y frotte, s'y pique. » Comme ils en étaient à cet étage où on se lance facile par l'autre sur des sujets qu'on n'y est pas trop versé et que de sang-froid se tiendrait sur la réserve, les voilà en train de discuter de cette comète. Et naturellement que chacun voyait la chose à sa manière. Moi, disait le Goethe, J'ai vu un dessin dans le chien romain. C'est comme qui dirait un cerf volant avec des étoiles. Pas plus que faisait le Mafelon. Je vois bien le dessin dont tu causes. Tu confonds avec la grande ours. Grande ours toi-même. Si se tiennent une fosse aux ours dans le firmament, moi je vous dis que c'est à vous goûter du paradis. Hein? Et patati, et patata. Ouais, ouais. Surtout que le boîte est un domestique qui lit l'emmental tas de blagues, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'ils avaient vu un autre dessin. Selon l'un, la comète partait, selon l'autre, elle était en train de venir. Enfin, bref, au bout d'un moment, en supposition que leurs cinq femmes seraient arrivées en colonne par une, elles n'auraient rien pu rajouter. Il n'y avait plus de place pour un mot, même pointu. Oh, alors comme ça, j'y suis, ça ne m'étonne plus qu'ils en aient eu une secouille pareille. N'empêche que quand j'ai entendu cette cloche, ça m'a fait un rude effet. Et moi, menté. Je me réveille en sursaut, je me dis, ça y est, on sonne la cloche, c'est la mobilisation. Et moi qui ne suis plus foutu de me rappeler où j'ai mis mon képi. Je suis frais. Ouais. C'est ma femme qui m'a remis l'aplomb. Elle m'a dit, Taborgno, si c'était la mobilisation, tu le saurais. C'est toi qui as les enveloppes et c'est toi qui donnerais l'ordre. Ça m'avait tellement rebouillé que je n'y avais même plus pensé. Enfin, moi, je me suis endormi. Alors, c'est le loyon qui est allé? Ben, forcément. Comme garde-police, il était bien obligé, n'est-ce pas? Il s'est habillé, a couru vers le collège. Et déjà, depuis la fontaine, il attendait ce bouquin que ces gaillards faisaient. Des discussions et puis de ces recafés. Il trouve tout ouvert, il monte et puis découvre mes cinq gaillards. Est-ce que vous foutez ma par là dans le clocher? Nous, que fait ma fleur? On étudie la comète. Gaillant de gaillard. Mais qui est-ce qui vous a permis de venir dans ce collège? Permis. On était libre ou quoi? Du moment que le régent est à l'hôpital, que sa femme l'a accompagné, le collège est à nous. Ah oui? Et la cloche alors? Qu'est-ce que c'est que ces manières de sonner la cloche? Oh, il ne faut pas faire des histoires pour une petite affaire comme ça. C'est la Génor qui ne voyait pas tant clair dans ses escaliers au colimaçon. Il a cru que ça continue à tourner, puis il s'est lancé sur la cloche. La belle affaire. Oh. Et le pire de tout, c'est que la Génor est si bien tombée que ça lui a crevé son abcès, arraché sa dent et tout. Le lendemain matin, il n'avait pas plus d'enflure que cette table. Il y a quand même de la chance pour les soulants. Oui, seulement moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces cinq arsouilles après un coup comme ça n'est pas la vergogne de se tenir tranquillement. Hein. Moi, à leur place, j'aurais payé l'amende de 100 rouspétés. Content de m'en tirer à si bon compte. Oui, en un sens, je te comprends. Seulement, c'est sûr et certain que la municipalité a été un peu fort. On l'a bien reconnu après coup. Un peu fort. Vous ne l'avez pas condamné à mort ou quoi? Mais bien sûr que non. On aurait mis à chaque 380 d'amende. 380? Et tu trouves que c'est trop? Et sur le moment, non. Mais quand on a eu entendu la Génor, on s'est rendu compte. Ah, parce que la Génor a été entendue? Eh bien, obligé. Il a fait recours. Et il se basait sur quoi? Voilà qu'il nous a dit. Qu'on ait eu tort de sonner cette cloche en pleine nuit, on ne dit pas non. Ça, c'est une affaire en règle. Et même si on ne le savait pas, on aurait sauvé déjà nos femmes pour nous persuader. Mais on proteste contre le chiffre de l'amende. 3,80 francs, c'est ce qu'on met à ceux qui volent du raisin dans les vignes. Alors quand même, il ne faudrait pas tout mélanger. On a eu peut-être tort, mais on ne mérite quand même pas une amende de voleur. Donnez-nous une amende d'honnête gens et tout sera dit. Oh, tout compte fait, c'est juste. Il y a du pour. Mais c'est ce qu'on s'est dit. Alors on a rabattu à 3,50 francs. Et tout le monde était content? Pardine. Même que la Génor nous a dit en partant, pour bien prouver que je ne vous ai pas dérangé pour une question de sous, je vous attends au café. Quand vous aurez fini cette séance, je paye un litre de nouveau. Santé. Santé. Et à celle du régent. Pardieu. Comment va-t-il, ce régent? On ne sait rien de bien certain. On va devoir l'opérer. C'est toute une histoire, quoi. Ça fait qu'il n'en aura pas un bout de temps. À mon avis, on ne le reverra plus. Oh, quand même. Non, enfin, c'est pas ce que je veux dire, ma fille. Il va prendre sa retraite. Tu sais, voilà déjà un père de moi qui n'était plus comme avant. Depuis sa dernière maladie, il était venu tout moindre, sa gourmet en dedans, quoi. Est-ce qu'il a l'âge de la retraite? Oui et non, il aurait pu faire encore quelques années. Oh, je ne sais pas ça au juste, ma femme, il peut partir, surtout s'il est malade, n'est-ce pas? Il n'aura peut-être pas une retraite complète, mais sa femme a quelques sous. Et puis c'est le las à la démarche depuis longtemps de quitter le village. Ça fait que si l'occasion y a... Probable, en effet. En tout cas, ça me fait chagrin, on le regrettera, allez, va. Oh, ça oui. Je vois bien qu'il n'était plus très moderne dans ses méthodes et tout. Oh, crois-tu que c'était un mal? Moi, je n'en suis pas si sûr que ça. Les méthodes de voiture, ça ressemble rudement à ces balançoires qu'on pendait aux grosses branches des arbres quand on était gamin. Ça va, ça revient, ça revient. L'essentiel étant que chaque génération se croit plus maligne que la précédente. Mais le résultat, pouf. Oh, c'est à l'école comme partout. On causait l'autre jour avec l'inspecteur forestier. Mais là aussi, c'est la même boutique. Quand on était jeune, on ne connaissait que la coupe rase. On piquetait un coin de bois, puis hardi, tout descendait d'un coup, et on replantait. Hein? Là-dessus arrivent des autres générations d'inspecteurs, alors la coupe rase, ça devenait un danger public. Oh là là là là, mais pas simple. Il fallait rarir, claircir ici et là, mais jamais raser. Eh bien, paraît que maintenant, les grosses nuques forestières, de par la polytechnico, mais Dieu sait, ils viennent de découvrir qu'il faut revenir à la coupe rase. Pas plus. Ouais, c'est le progrès, ce qu'ils disent. Et on voit le moment où ils vont venir avec des brochures explicatives, des conférences et tout, nous rapprendre ce qu'on faisait voici 30 ou 40 ans. Ça leur fera une distraction. Ah oui. Dis donc. Et ce remplaçant, l'as-tu vu? Ouais, ouais. Il est arrivé ce matin. Il loge chez les Tandiers en attendant. Un jeune? Non, un vieux, hein, qui a sa retraite. Enfin, je ne sais pas au juste. Il a dû prendre un peu trop tôt aussi, question de santé. Ben, moi, j'aime mieux ça, n'est-ce pas? Comme ça, on ne serait pas bousculé, puis on aura les mains libres pour une nomination, si nomination il y a. Du reste, il va venir. Ah, tu as dit venir ici ce soir? Ouais. Il faut le mettre sur la forme ric-rac, et puis... Ça nous permettra de le voir un peu en action. Ouais. A-t-il bonne façon? Oui. Oh, rien de spécial en pour ni en contre. Enfin, c'est un homme, quoi. Il cause un peu près de... Oh, il n'est pourtant pas gommeux, quoi. Non. Enfin, tu le verras dans un moment. Il serait même rosé de figure. Et il n'a pas tant fait de manière pour en troubler une ce matin, 11 heures. Je le regarde te glousser ses goulettes. Envoyez-moi faire bien que le parcours était piqueté, comme ils disent dans les chroniques sportives. Ah ben, tu me rassures. Santé. Santé, conservation. Ah, oui, n'empêche que cette affaire de comète, tu ne monteras pas de l'idée que c'est le gros mafelon qui a sa combinée. Il n'y en a que lui pour traîner nos quatre gaillards à nuit noire au fin coup de cède d'un clocher d'école. Et il aurait encore poussé la génor contre la cloche que ça ne m'étonnerait rien. Oh, je pense comme toi, oui, ma foi. Ah, c'est ma flan, là. Quand il y a une crouillerie dans l'air, il la renifle. Ça le démange. Il vivrait 100 ans qu'il resterait le plus jeune du village. Tu te souviens cette fois que ce tardier de Mafelon avait été couché dans l'écurie au Kikan? Oh, ma foi, non, il en a tant eu fait. Oh, lui, dans cette affaire-là, il n'était pas pour grand-chose. C'est seulement l'affaire que ça s'est passé de nuit qui m'y fait repenser. Il y avait donc une vache au Kikan qui était sur le point de faire un veau. Alors le soir, le Kikan avait fait son tour d'écurie, il l'avait regardé, puis il avait dit à sa femme... Ça doit bel et bien être pour demain matin. Il s'agira de se tenir prêt. Bon, les voilà qui vont se mettre au lit. Ce soir-là, il y avait eu des exercices de pompe commandés par le mafelon dans un grand costume. Comme c'est un des hivers où on manque un peu d'eau, ils avaient économisé sur le liquide, puis ils avaient été obligés de se rattraper après. Ça fait que voilà mon mafelon en route de cave en cave avec 2-3 jeunes de son espèce. Tant et si bien qu'au moment de rentrer, ça l'a embêté de faire le bout de chemin qu'il y a jusque chez lui. Est-ce qu'il y voyait trouble ou s'il avait peur de la bise, ça, j'en sais rien. Le fait est que mon mafelon taguenate chez le Kikan réussit à entrer par la grange, se faufile dans l'écurie où il faisait bon chaud, et puis va s'étendre dans la paille. Quart d'heure après, ronfler comme un bienheureux. Ce qui fait que le matin, le Kikan se lève, s'habille, et comme le Kikan était en train de fourgonner par la cuisine, voilà sa femme qui arrive en hurlant, « Eh, mon Dieu, loulou, viens vite !»« Et quoi ? Figure-toi que la Flora !» Eh ben quoi, la Flora? Elle a fait le veau? Ouais, elle a fait le pompier! Tu comprends? Elle arrive dans cette écurie, la première chose qu'elle voit, c'est ce mafelon qui ronfle tranquillement à côté de la vache. Elle a cru que ça y était! Oui, elle l'a pris pour un nouveau-né. Ah, mais ouais. Quand même, croire qu'une vache peut comme ça mettre bas un homme, il faut bien être un peu taguenette. Oui, pourquoi pas, on a eu pire. Quand la nature se met à faire des fredaines, ça ne s'arrête pas. Oh, ça m'y fait penser, là. Tu nous racontais l'autre jour cette histoire de cochon à huit pattes, tu sais. Ah ouais, quand j'ai fait boucherie. Oui, paraît que ça n'est pas un cas unique. Ouais, je te vois venir. Tu veux me parler de ces zodzés qui sèment des jambons dans les rigoles? Non, parce que dans ce cas, ça n'est pas le cochon que j'ai de la peine à comprendre, non. C'est plutôt le propriétaire, tu sais. Ce gaillard qui a eu tellement peur qu'on le suspecte de faire du marché noir qu'il a préféré ne rien dire. Faut dire qu'il a eu la conscience chatouilleuse. Mentez. Ah, respect. Ouais. Non, moi je te cause d'un autre cas. Ça s'est passé pas très loin d'ici. Je vais pas te dire où parce que ça ferait des histoires. Ils avaient abattu un porc, un peu comme le tien, je pense. Une bête en dessous de la moyenne comme poids. Bon. Ne m'en voit-il pas qu'une mauvaise langue du village va raconter à la préfecture qu'ils en avaient tué deux. Oh, ces gens qui voient du mal partout. C'est comme ça. Naturellement, grand branle-bas, coup de téléphone, course de vitesse. Et voilà que sur les 8-9 heures, un gendarme se rapplique. Bonjour. Bonjour, monsieur le gendarme. Quel bon vin. Voilà. On m'a dit comme ça que vous faisiez boucherie. On vous a bien renseigné, monsieur le gendarme. À preuve que voilà le cochon. On aurait juré qu'il vous attendait. Il est là tout calme. On ne l'a pas encore touché. C'est à peine si on l'a coupé en deux. C'est comme ça qu'on a toujours eu fait. On vous aurait bien donné un bout de saucisse, mais c'est défendu, n'est-ce pas? Alors la loi, c'est la loi, pas vrai? Voilà mon gendarme rue d'Abbété, n'est-ce pas? Il te rôde autour de cette bête, va jeter un coup d'œil par la cuisine sous prétexte de se laver les mains, tournique de ci, de là. Il avait bien l'impression que les gens avaient quelque chose de pas droit dans le regard. Mais enfin, il y a de rien, n'est-ce pas? Pas de second cochon en vue. Vous comprenez qui fait? On m'a dit que vous en aviez abattu deux. Montez, qui a pu vous dire ça? Oh, je comprends que fait brusquement la femme. Ses rapports aussi clés. On va vous expliquer ça tout de suite. Mais n'en dites rien parce qu'on se moquerait de nous au village. On a le boiton juste derrière le jardin, oui. Alors le soir, mon homme et moi, comme on s'aime bien, on va des fois au jardin, puis on chante des romances. Forcément qu'on les chante à deux voix. Ce qui fait que le cochon a ça entendu. Et c'est vrai que des fois, quand il cyclait, on aurait juré qu'il en avait deux. Il s'est exercé à deux voix, faut croire. Avec quoi qu'il en soit, mon gendarme s'en revint tout penaud. À peine est-il parti que voilà mes gens qui font ouf et qui s'épongent le front. Heureusement que l'arneste a déjà emporté ces deux moitiés que fait la femme. Je l'avais bien dit, on n'est jamais trop prudent. Alors l'homme y fait, d'ivoire, regarde bien, tu ne vois rien. Non. Alors tu es comme le gendarme, heureusement pour nous. Tu ne vois pas que l'arnest s'est trompé et nous a laissé les deux moitiés de droite? Oh, alors ça, c'est le bouquet. Comme je te dis, si le gendarme avait voulu essayer de recoller ce cochon, c'est pour le coup qu'il n'y aurait rien compris. Heureusement que le gendarme avait été à l'école et puis qu'il avait appris que deux demi-cochons, ça fait un cochon complet. Il n'a pas cherché plus loin. Tiens, le voilà. Qui ça, le cochon? Mais non, le remplaçant régent. Où ça? Regarde, là, dans la folle. Ah! Cette grande ergaille avait ce chapeau. Mais diable, c'est le même chapeau que l'autre. Oui, ça m'a frappé aussi, ça. Ils doivent avoir une fabrique qui leur fait un rabais. Non, moi je crois que c'est plutôt la forme de la tête qui est la même à cause des idées. Dis donc, pendant qu'ils tracent sur cette route, si on en chantait une. Et puis qu'ils nous trouvent en train de piouler les deux ensemble, t'es fou! Il nous prendrait pour des buveurs. Écoute, on l'a toujours eu fait. Je ne vois pas de raison pour changer ce soir. Bon, après tout. Et puis tiens, chante-en qu'on a appris à l'école. Ça le mettra au diapason. Mais dépêche-toi, le voilà. Oui, comme ça, il fera le refrain avec nous. Et puis on verra s'il chante juste, hein? n'empêche que ça m'impressionne ce soir. J'ai l'impression de chanter un solo à la soirée. Allez, vas-y. Oui. L'odeur des foins se répand dans la grange de mon troupeau, j'entends le bêlement. Au bord du lac où se fait la vendange, la nuit descend silencieusement. Suisse chérie, terre d'amour, toute ma vie, j'aimerai ton séjour. Venez, garçon, au fond de ces vallées, au fond du jour succède la fraîcheur. Et nos chansons par l'écho répétées, d'un peuple libre exprime le bonheur. Suisse chérie, terre d'amour, toute ma vie, j'aimerai ton séjour. Qui s'appelle Chanté. Ah, bonsoir, monsieur Dréjard. Est-ce que vous connaissez déjà le caviste? Eh ben non, j'en ai entendu parler. Bonjour, monsieur. Bonsoir, Dréjard. Bonsoir. Eh ben, voilà votre place. Au moins comme ça, tout est réglé comme du papier à musique. Mais ça vous étonne un peu, cette réception, hein? Mon Dieu, pour dire... Que oui, ça vous étonne. Normalement, on aurait dû vous recevoir avec la fanfare. Seulement, on n'en a point. La société de chant est toute désemparée depuis que le régent qui la dirige est malade. Alors, on a fait ce qu'on a pu. Mais c'est très gentil à vous. Mais à vous aussi, monsieur le régent. Nous, on s'était dit, si le régent reste sur la porte à faire son fin, on finit nos trois décis et on fiche le camp. Mais s'il reprend le refrain, on l'adopte. Et on commande une bouteille de 37. C'est que vous ne connaissez pas notre 37. Si, je le connais très bien. Ah, ça c'est de la flatterie. Oh, pas du tout, non, je ne vous dirai pas qu'il y a longtemps que je le connais. Mais comme j'en ai bu déjà trois fois cet après-midi, je commence à en faire connaissance. Trois fois? Hein? Exactement. Oh, mais rassurez-vous, en compagnie. Il y a d'abord M. Bolomet. Monsieur Bolomet? Oui, celui chez qui je prends pension. Oh, ton gars! Ah, ouais, on y dit ton gars. Bolomet, je crois bien que c'est la première fois de ma vie que j'entends prononcer ce nom-là. J'ai cru que c'était une étrangère. Oui, Bolomet, c'est un nom pour les facteurs, rien de plus. Alors, vous disiez que Tandia a ouvert une bouteille de 37 pour le premier repas, oui. Eh ben, c'est bien le moins. Ensuite, il a tenu à me présenter à son cousin. Un cousin, lequel? Ah, ma foi, je suis désolé, mais je ne le connais que sous le nom de Bolomet, lui aussi. Ah ben, c'est une maladie. Où est-ce qu'il reste? Eh ben, tout au bout du village, là, vers le vieux four banal. Ouais, c'est le Gut du four. Gut. Tandia lui disait Gut. Alors donc, le Gut du four a ouvert une bouteille de 37. Ben, on sait vivre, forcément. Là-dessus, il est arrivé un gros gaillard dont je ne sais que trois choses. C'est qu'il est chef des pompiers, que vous lui avez collé une amende la semaine dernière. Que pardine, il y a un 37 qui vaut les autres, oui. Et une bien jolie cave, ma foi, parce qu'on y fait un petit tour aussi. Et bien obligé, n'est-ce pas? Et alors, vous comprendrez que je sois déjà un peu au courant des habitudes. Avec l'apéritif que vous m'avez offert ce matin, monsieur le syndic, sans compter deux ou trois pauses café par-ci par-là, je n'ai aucun mérite à avoir chanté avec vous. J'aurais plutôt du mérite à ne pas chanter. Il faudrait tout de même pas vous faire des idées, monsieur le régent. Et ça n'est pas toute l'année ainsi. Seulement pour nous, comme ça, vers fin février, c'est le dernier moment où on peut encore se laisser vivre gentiment. Ce qui fait que forcément, l'arrivée d'un nouveau régent, ça fait du remous, et puis une bien jolie raison d'ouvrir le bouteillier. À votre santé, monsieur le régent. Santé, conservation. À votre santé, messieurs. Donc, vous voilà prêt à recommencer une carrière avec nous. Et pourquoi pas? Je dois dire que je n'ai jamais regretté autant qu'aujourd'hui de ne pas débuter. Parce que mes vrais débuts, ma foi, ne ressemblent guère à mon arrivée dans ce village. Ah, racontez-nous ça. Eh bien, j'avais fait la tournée des autorités. On m'avait partout reçu à la chambre, dans des fauteuils rouges. On m'avait offert du thé. Oh, c'était pas dans le vignoble, hein? Non, vraiment pas. Enfin bref, le soir, j'étais glacé. Oh, je m'en souviens comme si j'étais glacé à cause du froid d'abord, et puis surtout à cause de tous ces gens avec qui j'avais parlé, qui avaient été très gentils, mais... Oui, on voit, une porte de boiton n'a jamais fait de mal à personne, mais ça n'est pas très avenant quand même. Exactement. Et puis je repassais dans ma tête les conseils que j'avais reçus. Il ne fallait pas faire ci, ça. Notez que j'étais libre, mais enfin, on me conseillait pour mon bien. Bon, j'aurais pleuré. Alors j'ai passé devant la pinte. Il y avait deux fenêtres allumées, une lampe qui pendait au plafond et qu'on voyait de l'extérieur. Machinalement, je suis entré pour me réchauffer. Et j'ai bu un café marre. Oh, je m'en souviens parfaitement. Eh bien, le lendemain, le président de la commission scolaire m'accueillit à mon arrivée en classe. Il s'était habillé du dimanche. Il m'avait présenté aux élèves. Après quoi, il m'avait dit paternellement, « Mon jeune ami, je sais que vous n'y voyez pas de mal et je pense que vos intentions sont pures, mais il y a des gens qui ne comprendraient pas que vous alliez ainsi au café. » C'était dans le canton de Vaud, ça? Oh, je vous garantis. Et vous n'avez pas démissionné? Non, j'y suis resté 17 ans. Eh ben, ça prouve que vous avez une robuste constitution. Mais pas du tout. C'était des gens charmants, je vous assure. J'en ai d'excellents souvenirs. Mais c'était ainsi, froid, fermé, ne se livrant qu'au bout de quelques mois. Oui, comme leur maison, du reste, dont ils n'ouvrent parcimonieusement les volets qu'un petit moment le matin, durant l'hiver. Alors c'était un peu comme quand on se baigne dans une rivière. Le premier contact est épouvantable, et puis après, ben, peu à peu, on s'y sent très bien. Oh, tout de même, il aurait eu meilleur d'être avenant tout de suite, tant qu'à faire. Mais on est comme on est, que veux-tu, caviste? Eh bien, ici, Réjean, vous tombez sur un bon village. Oui, on le dit comme on le passe, sans faire les fanfarons. Oh, on n'est pas des saints, non. Les langues marchent tout comme ailleurs, les mauvaises têtes turtent, et puis les saoulants font le bon lundi, mais dans l'ensemble, on ne peut pas se plaindre. Par exemple, le régent et le pasteur sont bien ensemble, ça c'est une tradition. Pas possible. Oui, oh, je ne dirais pas qu'ils soient amis intimes, non. Ça serait trop demandé. Enfin, ils se causent, et puis quand ils se bêchent, ben, c'est avec discrétion, ils y mettent les formes. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis, en ce qui vous concerne, il y a un point d'acquis. On aime bien le régent par là. Oui, par principe. Non, non. Parce qu'on a été gâtés. Voilà, ah oui, mon collègue, que j'ai très bien connu. Pensez, nous sommes presque la même volée, c'est un type agréable. Pour se mettre mal avec lui, il faudrait faire exprès. Ça, alors, c'est beaucoup dire. Il a aussi ses défauts. Mais alors, ce qu'il y a chez ce régent, c'est qu'il a toujours su arranger les affaires sans en avoir l'air. C'est un faux mouton, pour dire. N'est-ce pas? Il y en a des qui se croient énergiques parce que dès qu'ils trouvent de l'opposition, ils se fâchent. On les voit qui se braquent, qui se font cassants. L'autre se rebiffe et puis tout est par terre. Ça n'est pas de l'énergie, ça. C'est de la bétanie pure. Tandis que le régent, oh là là, quand il sentait que ça biaisait, motus, il ne pipait plus mot. On aurait juré qu'il avait tout oublié. Et puis une année après, on s'apercevait que les choses se faisaient comme il avait dit. Et du diable si on se rappelait comment il était arrivé. C'est ça la malice. Tenez, te souviens-tu, caviste, de la manière qu'il a débarrassé le village des vagabonds? Oh, alors ça, ingrat qui ne s'en souvient pas. N'est-ce pas, Régent, dans un village comme le nôtre, tourné contre le lac avec des caveaux frais, bien des gens se croient qu'on n'a qu'à se croiser les bras et à manger des raisins. Dès qu'ils ne font qu'à passer, ils se disent, ces endroits-là, ça sue la graisse. Ce qui fait que tous ces rôdeurs qui ne font que de tracer de passade en passade, se donnent rendez-vous dans le coin. Nous, hein, quand ça ne va pas trop loin, pourquoi pas? Seulement, un but y avait. On en voyait qu'ils n'en finissaient pas de rarriver. Ce qui fait que la municipalité en a causé un jour. Elle s'est dit, on devrait pouvoir faire un règlement. Un règlement, qu'a dit le régent. Ça sert à quoi? Est-ce que vous croyez que les cheminots lisent les règlements? Bon, mais alors quoi? Laissez-moi faire, qu'il nous a dit. Là-dessus, on n'y a plus pensé. Quelque temps plus tard, quand on amène le bois au régent, il nous dit, laissez avoir un moule devant le collège, non scié. Mais pourquoi? On vous le doit rentrer bûcher? Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous le demande, ça me fera de la distraction. Bon, on laisse faire et puis on n'y pense plus. Vous savez où est le collège, n'est-ce pas, à l'entrée du village, côté Lausanne, sur le passage? Arrive la bonne saison, viennent les rôdeurs. Première maison à gauche, le collège, ils entrent. Bonjour monsieur, bonjour mon brave. Et les voilà qui en bas de la musique, il leur faut du travail et tout. Le régent, tout innocent, leur répond, « Oh, vous tombez bien, j'ai justement ce tas de bois scié, bûché, rentré, voilà une scie, voilà une hache, débrouillez-vous. » 2 heures après, on voyait le gaillard qui fichait le camp à les vignes. À la fin de l'été, le tas de bois au régent était presque intact. Mais le village était purgé de tous les rôdeurs professionnels qui fuyaient comme des pestiférés, rien que de voir le clocher du collège. C'est ça l'intelligence, nom de sort. Nous, tout bêtes qu'on est, on n'y aurait jamais pensé. Je vois. Et permettez que je commande une seconde bouteille. Hein? Ah non, Réja, il y a des limites. Oh. Ah oui, et puis ce soir, c'est nous qu'on vous reçoit, hein? Et puis dans un moment, c'est les mamans qui vont nous recevoir. Il s'agit de ne pas arriver trop tard. Au revoir, Réja, hein? Bienvenue. Content qu'on ait d'avoir fait connaître ça. Moi aussi. Et dans 15 jours. À la même heure.